c'était mieux avant. Tout allait plus doucement. Pas encore de passé, de remords, de regrets. Je rêvais d'Amérique ou de Transsibérien, d'un café à Zurich ou demander ta main. Qu'on me laisse remonter le temps, que je revienne adolescent, qu'on me tienne à l'écart du pire et que je puisse chanter et rire. C'était mieux avant. Y'avait des Noëls blancs, des stoles amoureux, du gel dans tes cheveux. Je rêvais de faire des disques avec mes potes d'enfance, que les chansons magnifiques mettent le public en transe. Qu'on me laisse remonter le temps, que je revienne adolescent, qu'on me tienne à l'écart du pire et que je puisse chanter et rire. Un instant seulement.